dans la prochaine édition d'Assemblage Requis. On accueille notre nouvelle co-animatrice, la Pêche elle-même, Stéphanie Gagné. On parle de nouveautés musicales, de sorties spectacles et la chronique technologique CNX. Tout ça à Assemblage Requis, maintenant en formule hebdomadaire, jeudi 15h ou samedi 16h.